Bon, en fait, faut accélérer, hein. Prototype. l'ai calé à 1. Je veux bien le recaler pour toi, mais je l'ai calé sur le 1. T'aurais dû me dire à quelle heure tu partais le train. Bon, je prends le prochain train. Un, deux, one, two, three, four. On part sur le 1.